Thank you.

ça? Ouais, t'entends pas? Ça va. J'aime flâner sur les grands boulevards. Putain, j'ai rien fait. Touche plus rien. Allez, on part à 1. Thank you. Thank you.